équipe. Sur le deux on est quatre. Tu sais que la bouteille on liquide. Ici c'est miné, faut qu'on parte. OCB ou feuille de blé. J'me sur le stun, pas de coupe de pain. Puis je mélange un peu de peu. J'suis tout en noir, pas trop le coup. Fais tourner le pétard, on est là. À vouloir de la maille, on est mille plein. Vouloir la maille, qu'on ferait là. Viens nous voir dans la grotte, on est mal. J't'aime pas l'heure comme dit qu'il est minuit. Depuis qu'on galère, c'est la merde. Après les sourires, y'a la mort. Ici, Nike a refait l'affaire. Et on a délaissé l'amour. Sans sortir, un pas.